19.3. Compréhension auditive et production orale. Vous allez entendre le court passage suivi d'une question. Répondez oralement à la question. 1. Ça, là, à droite, c'est l'Institut d'art et d'archéologie. J'y suis un cours d'art grec. Pourquoi est-ce que Mireille montre l'Institut d'art et d'archéologie à Robert? Parce qu'elle y suit un cours d'art grec. 2. Quelle heure est-il? 11h15. J'avais encore l'heure de New York. Pourquoi est-ce que Robert avait 5h15 à sa montre et non 11h15? Parce qu'il avait encore l'heure de New York. 3. Vous ne venez jamais ici? Non, c'est la première fois. Est-ce que Mireille est déjà venue à la closerie des Lilas? Non, c'est la première fois. 4. Si je veux prendre un café avec des copains, je vais plutôt dans un petit bistrot du quartier. Où est-ce que Mireille va quand elle veut prendre un café avec des copains? Dans un petit bistrot du quartier. 5. Qu'est-ce que je vous sers? Voyons, Hemingway prenait sans doute un whisky, mais ce n'est pas particulièrement français. Pourquoi est-ce que Mireille ne veut pas prendre de whisky? Parce que ce n'est pas particulièrement français. 6. Vous avez le Dubonnet, le Martini, le Pernod, le Ricard. J'adore le Pernod, mais c'est un peu trop fort. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas prendre de Pernod? Parce que c'est un peu trop fort. 7. Je fais du français, naturellement. Des maths, malheureusement, parce que j'ai toujours été nulle en maths. J'ai failli rater mon bac à cause des maths. Pourquoi est-ce que Mireille a failli rater son bac? À cause de la botanique? Non, à cause des maths. 8. En somme, vous devez être bien contente d'en avoir fini avec le lycée. Ça oui, vous pouvez le dire. Maintenant à la fac, je me sens beaucoup plus libre. Pourquoi est-ce qu'elle préfère être à la fac qu'au lycée? Parce qu'elle se sent beaucoup plus libre.